اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours 11 dans la lecture du livre Adab al-Mashi ila al-Salah avec l'explication du Cheikh Ubayd Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah ta'ala. Donc aujourd'hui, maintenant on va parler de la suite de qu'est-ce qu'on a parlé au dernier cours. Au dernier cours on parlait de la question de l'ordre dans les sourates quand on récite dans la salat, puis on a parlé de du fait de relever les mains, puis de se mettre dans la position du ruku' en disant Allahu Akbar, puis combien de fois on dit Subhana Rabbi al-Azim. On a parlé de cette position-là, c'est-à-dire dans le recours. Là, maintenant, on va parler de comment on se relève du recours et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là. Et donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الْأَوَّلِ قَائِلًا إِمَامْ وَمُنْفَرِدْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَمَعْنَى سَمِعَ يعني استجاب استجاب فإذا استمتم قائما قال فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وله أن يقول غيرها مما ورد وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده له أن يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد لوروده في حديث أبي سعيد وغيره فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il explique que quand on se relève maintenant du ruku, la même manière qu'on s'est relevé la première fois et on lève les mains, et à ce moment-là, quand on se relève du ruku, on se redresse droit. On dit en se relevant, qu'on soit imam ou qu'on soit munfarid, c'est-à-dire qu'on prie tout seul ou qu'on prie derrière l'imam, ou qu'on soit imam soi-même, on dit « Sami Allahu liman hamida ». Et ça, c'est obligatoire. Et la signification de « Sami Allahu », on sait que littéralement, ça veut dire que Allah entend celui qui fait son éloge, mais qu'est-ce que ça signifie dans cette phrase, dans ce contexte-là? Ça veut dire « Sami'a », ça veut dire que Allah exauce celui qui le glorifie. Et donc, quand il s'est redressé, il dit « Rabbana wa lakal hamd ». Une fois qu'il s'est redressé, il dit « Rabbana wa lakal hamd ». Et il peut rajouter « Mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ». Ça, c'est qu'est-ce que tu peux rajouter après avoir dit Rabbana wa lakal hamd. Et tu peux même ajouter encore en disant Ahlu thana wal majd. Ahakku ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd. Donc tu peux dire ça aussi, tout ça au complet. Ou bien tu peux dire autre chose parmi les choses qui ont été rapportées authentiquement dans la sunna à ce sujet-là. Et tu peux aussi dire Rabbana lakal hamd au lieu de Rabbana wa lakal hamd, parce que les deux ont été rapportés aussi. Et donc il dit, si la personne qui arrive dans la prière, elle arrive dans la prière avant ce moment-là, c'est-à-dire elle arrive dans la jama'a avant que l'imam s'est relevé du ruku', alors dans ce cas-là, elle a attrapé la raka'a. Elle a attrapé la raka'a au complet. D'accord? Donc, ça c'est important, parce que des fois, l'imam peut parfois prononcer un dua qui est plus long, donc il reste plus longtemps debout après s'être relevé du ruku'. Et donc, il prend son temps pour réciter un dua plus long. Et la signification de mil as-samawati wa mil al-ard, c'est-à-dire Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur, et c'est à toi qu'appartient la louange. Hein? Mil as-samawati, c'est-à-dire les cieux en soient remplis, de même que la terre. Hein? La quantité, autant que les cieux, autant que la terre, et autant que ce que tu veux après cela. Et tu dis ensuite, si tu veux, Ahlul Thana'i wal Majd, c'est-à-dire celui qui mérite l'éloge et la glorification, et la chose la plus vraie que le serviteur puisse dire, et nous sommes tous des esclaves pour toi, c'est que la mani' lima atayt, c'est-à-dire ce que tu as donné, personne ne peut le retenir, wala mu'ti lima mana't, et personne ne peut donner ce que tu as retenu. Hein? Tu ne peux pas retenir. Personne ne peut retenir ce que tu donnes et personne ne peut donner ce que tu retiens. C'est ça la signification. Wala yanfa'u dhal jaddu minka al-jadd. Et la portion de celui qui donne, qui possède quelque chose, ça ne peut lui profiter, sauf ce qui vient de parce que là, c'est de toi que vient tout ce qu'on possède. Et tu peux dire d'autres choses également. Et le cheikh, il dit ensuite donc que si tu arrives avant que l'imam se relève du ruku', alors tu as attrapé la raka'a. Cheikh Abdul Muhsin, il explique ces points-là. Et il mentionne à ce sujet-là plusieurs explications. Il dit, إِذَا رَفَعَ الْمُصَلِّ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ مَا عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قَائِلًا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا وَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وفيه قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد أخرجه البخاري عن أنس وأبي هريرة. Donc le cheikh il explique que lorsque l'imam il se relève du ruku', donc il lève les mains comme il les lève dans le premier takbir, takbirat al-ihram, puis en se relevant il dit سمع الله لمن حمده, et ça c'est il dit s'il est imam ou s'il est munfarid, c'est-à-dire qu'il soit imam ou qu'il soit en train de prier tout seul. Par contre, s'il prie derrière l'imam, il va seulement dire Rabbana wa lakal hamd, il ne va pas dire Sami'a Allah ou liman hamida. Et il dit la preuve de ça, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que l'imam a été placé uniquement pour qu'on le suive. Et dans ce hadith-là, il dit, et lorsque il dit Sami Allahu liman hamida, vous dites Rabbana wa lakal hamd. Donc ça veut dire les gens qui sont derrière l'imam, eux, ils disent pas Sami Allahu liman hamida, yani ils disent seulement Rabbana wa lakal hamd en se relevant. Puis il dit que ça c'est rapporté par Al-Bukhari, et c'est rapporté selon Anas et Abu Huraira radiyallahu anhuma. Il dit فقد قال في الحديثين فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمدا. Donc dans les deux hadiths de Anas et de Abi Huraira, il dit ربنا ولك الحمد, il n'a pas dit سمع الله لمن حمدا. ويقول كل من الإمام والمنفرد بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والأولى قول اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو واللهم. Donc il dit que l'imam et la personne qui prie seule, elle dit سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Et qu'est-ce qui est mieux encore, c'est de dire اللهم ربنا ولك الحمد avec le waw et avec le Allahumma. Ça c'est rapporté dans le hadith d'Abu Huraira qui est rapporté par Al-Bukhari. Tu vois que des gens parfois quand ils se relèvent du ruku, ils disent Rabbana walaka alhamd wa shukr. Et ça c'est pas sunna, ça fait pas partie de la sunna de rajouter wa shukr. OK? Ça c'est une chose que les gens ont pris l'habitude de faire, mais c'est pas l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc il faut délaisser cet ajout et se limiter à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté. Et également le cheikh il dit walahu an yaqul Allahumma rabbana lakal hamd bidun waw li hadith Abi Hurayra akhrajahu al-Bukhari aw yaqul rabbana lakal hamd bidun waw wa Allahumma li hadith Abi Sa'id rawahu Muslim. Donc il dit tu peux dire Rabbana walakal hamd ou bien Allahumma Rabbana walakal hamd ou bien tu peux dire Allahumma Rabbana lakal hamd sans le waw ou bien tu peux dire Rabbana lakal hamd sans le waw et sans Allahumma comme c'est rapporté dans les différentes versions de Abu Huraira par Al-Bukhari ou bien de Abu Sa'id al-Khudri dans ce que l'imam Muslim a rapporté. Et il dit ورد في ذكر في الذكر بعد الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Ça aussi, qu'est-ce que tu peux dire? Et ça c'est rapporté, le cheikh il dit رواه البخاري عن رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه وربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كي رابورتي رواه مسلم عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Donc tu peux dire dans le dua après le t'être levé du en te levant du recours ou bien après t'être levé du recours tu dis ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Hein, ça c'est rapporté par Al-Bukhari selon Rifa'a comme Cheikh l'a dit. Ou bien tu peux aussi dire la version longue qu'on a mentionnée dans la parole de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab quand il a expliqué que tu peux dire Rabbana wa lakal hamd min as-samawati wa min al-ard wa min amma shi'ta min shay'in ba'd wa ahlu al-thana'i wal-majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Donc tout ça c'est des choses que tu peux rajouter. Et il dit ici que al-jad, اللهم ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا الحظ, الحظ. والمعنى لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. Donc ça veut dire quoi? Wala yanfa'u al-jadd minkal jadd. Ça veut dire la personne qui a une part quelconque, hein, et bien elle ne peut lui profiter auprès de toi excepté les bonnes œuvres qu'il fait. C'est seulement ça qui peut lui profiter. C'est ça que ça veut dire wala yanfa'u al-jadd minkal jadd, ça veut dire ça. Qu'est-ce qu'il va lui profiter? C'est pas qu'est-ce qu'il reçoit de toi de la dunya, mais qu'est-ce qu'il uniquement les bonnes œuvres qu'il va faire. Et il dit les qawlihi ta'ala inna akramakum 'inda Allahi atqakum, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit que la plus noble d'entre vous pour Allah c'est la plus pieuse. Et il dit le point numéro 3, man adraka al-imam fi ruku' min rak'at as-salah fa huwa mudrikun li tilka ar-rak'a allati adraka ruku'aha. لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. Rawahu al-Bukhari. Donc il dit le cheikh que si tu as rattrapé l'imam dans le rukou', parmi les différentes rak'at de la salat que l'imam fait, si tu l'as rattrapé avant qu'il se relève, donc tu as attrapé cette rak'at, tu n'as pas besoin de la refaire. Et il dit qu'il y a le hadith de Abi Bakr radiallahu anhu qu'il était arrivé justement dans la mosquée quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le recours, et lui il a fait le recours avant même qu'il soit dans le rang avec les autres dans la prière. Donc c'est comme si il est arrivé, il a vu les gens dans le recours, il était à une distance du rang, il a fait Allahu Akbar et s'est mis dans le recours et il a avancé jusqu'au rang dans la position de recours. Après, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au messager d'Allah, je m'en allais vers le rang, puis j'ai fait le recours avant que tu te relèves, puis j'ai avancé vers le rang comme ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. C'est rapporté par Al-Bukhari. Et il dit donc, ça veut dire que Allah t'augmente en insistance, la façon dont tu l'as fait, qu'Allah t'augmente de ça. Et il a dit, wala ta'ud. Et ça, si tu traduis ça, ça veut dire, ne le refais pas ou bien ne retourne pas à ça. Et dans ce cas-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ne le refais pas, dans le sens, est-ce que c'est déconseillé ou autre? Allahu a'lam, mais c'est-à-dire c'est une chose à vérifier ici, parce que j'ai souvent entendu quand les ulama mentionnent ce hadith-là, mais j'ai pas essayé de chercher plus pour savoir qu'est-ce que ça impliquait le fait de dire zadakallahu hirsan wa la ta'ud, zadakallahu hirsan ay ala al khair, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente en effort dans le bien. Et قال ابن المنير صوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ابي بكر من الجهة العامة وهي الحرص على ادراك فضيلة الجماعة. Donc ابن المنير الشيخ حافظ ابن حجر il dit que ابن المنير il a considéré que qu'est-ce qu'il avait fait c'était bien, dans le sens général qu'il voulait attraper la récompense de la jama'a. Toutefois, il l'a critiqué d'une manière, il l'a mentionné comme s'il avait fait une erreur d'une façon plus particulière en disant wala ta'ud. Ay ila ma sana'ta min as-sa'y ash-shadid thumma ar-ruku' duna as-saff thumma min al-mashy ila as-saff wa qad warada ma yaqtadi dhalika sarihan fi turuq hadithihi kama taqaddama ba'daha. وفي رواية عبد العزيز المذكورة فقال من الساعي في وفي رواية يونس ابن عبيد عن الحسن عن الطبراني قال أيكم صاحب هذا النفس. Oui, c'est ça. C'est d'après ce que je vois ici, c'est que qu'est-ce qu'il a blâmé de quoi? Il a blâmé de s'être précipité au venir dans la prière. Donc quand il est arrivé, il était essoufflé, comme s'il avait couru ou s'était trop pressé. Et quand il a terminé la salat, dans une autre narration, il dit, c'est qui, lequel d'entre vous a été celui qui a respiré fort comme ça? Man sahibu hadha an-nafas? Qala khashitu an tafutani ar-rak'a ma'ak. Wa lahu min wajhin akhar anhu fi akhir al-hadith. Salli ma adrakta waqdi ma sabaqak. C'est ça, dans une autre narration. Donc là, il a expliqué, quand il lui a dit, c'est qui respirait fort comme ça? Il a dit, j'ai eu peur de manquer la raka'a avec toi. Alors, il lui a dit, dans un autre hadith, il a dit, prie ce que tu as rattrapé et ce que tu as manqué, fais-le par la suite. Et, fi riwayati Hamad, عند أبي داود وغيره أيكم الراكع دون الصف وقد تقدم من روايته قريبا أيكم دخل الصف وهو راكع وتمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة وقال إنما قال له لا تعد لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعا لأنه كمشية البهائم. انتهى كلامه. ولم ينحصر النهي في ذلك كما حررته، ولو كان منحصرا لاقتضى ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد من الصف، وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته، وذهب إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة، واستدلوا بحديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أصحاب. يعني beaucoup de détails par la suite, donc on va pas tout lire. Mais c'est juste pour dire que certains, ils ont considéré ça comme étant déconseillé. Et d'autres ont considéré même que c'était interdit de le faire, mais il y a beaucoup d'explications par la suite. Et ça veut dire qu'il faudrait lire ça tout au complet pour arriver vraiment à comprendre toute l'explication. Mais d'après ce qu'on comprend ici, la façon dont le cheikh l'a mentionné, c'est que... certains savants l'ont considéré comme étant déconseillé, mais ça ne veut pas dire que c'est pas permis de le faire, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ce sahabi là qu'il a fait, il a dit zadak Allahu hirsan, que Allah t'augmente dans l'intention de faire le bien. Et qu'est-ce qui est apparent, c'est qu'il a blâmé surtout du fait qu'il a précipité sa marche dans la prière, puis que probablement à cause de ça il était essoufflé ou des choses comme ça. Donc ensuite il parle de la prosternation et comment on se prosterne par la suite, et la sunna, tout ce qui est rapporté à ce sujet là. Toutefois, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis demain on lira la suite de ça. Puis en même temps, j'aurai l'occasion de vérifier les détails sur le hadith quand il a dit « Wala ta'ud » et qu'est-ce que ça implique, inshallah. Donc, on verra ça demain, bi'idhnillah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.